الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous en sommes aujourd'hui au 22e juz, à la 22e partie, les parties du Coran et les quelques leçons à en tirer. Ce juz commence au verset 31 de Sourate Al-Ahzab et il finit au verset 27 de Sourate Yassin. Il y est question du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses. Allah leur recommande de mentionner le bienfait qu'Allah leur accorda en révélant le Coran et la Sunna dans leur demeure. En déduirons-nous que nos demeures deviennent meilleures en proportion du Coran qui y est récité et de la Sunna qui y est mise en pratique. L'attention est portée sur le mérite des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le mérite des musulmans et musulmanes en général. Il est fait référence à certains jugements relatifs à la répudiation et au voile des mères des croyants. Qu'Allah fasse miséricorde aux femmes qui prennent exemple sur elles. Est mentionné avec une certaine insistance le voile et les règles de bienséance qui y sont liées, tout en établissant un lien entre ce sujet et la soumission à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, on y avertit avec insistance contre les hypocrites et leurs écarts de conduite. En effet, le voile n'est jamais mentionné dans une sourate sans que ne soient également mentionnés les hypocrites. À la fin de sourate Al-Ahzab, il est question du sort des mécréants et de leurs disciples, et la responsabilité dont s'est chargé l'être humain est rappelée. Examinons si nous sommes du nombre de ceux qui s'en sont chargés avec sincérité ou si nous avons manqué à notre devoir. La sourate Saba commence par invalider les assises du polythéisme et la négation de la résurrection. Elle expose la manière dont les prophètes alayhim salatu wassalam accueillaient les bienfaits et en étaient reconnaissants. Vois donc combien nombreux sont ceux qui les renient. Dans l'affrontement entre les suiveurs et les meneurs, il y a une indication au sujet de l'importance de bien choisir qui on suit afin de ne pas le regretter par la suite. La fin de la sourate appelle les polythéistes à réfléchir et les menace d'un jour où adhérer à la foi sera devenu inutile. La sourate Fatir commence par rappeler aux gens la miséricorde et les bienfaits d'Allah, les avertir contre le fourvoiement du bas monde et de Satan, et leur rappelle l'éminence d'Allah et à quel point les créatures ont besoin de lui. Une des règles de la foi qui apporte du contentement et de la certitude au cœur est mentionnée au début de la sourate, et il convient qu'on la garde en permanence à l'esprit, comme Allah Ta'ala dit dans le sens: ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Le deuxième verset de Sourate Fatir. Par conséquent, ton cœur ne doit être attaché qu'à Allah. La Sourate énumère les catégories de gens qui ont hérité du livre et décrit la rétribution des croyants et des mécréants. Trouve-toi donc une place auprès des meilleurs, parmi ceux qui ont hérité de ce livre qu'Allah a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam. La sourate se termine en réduisant au silence les polythéistes à l'aide d'arguments imparables et en rappelant une règle coranique qui est: le stratagème maléfique ne nuit qu'à son auteur. Au début de la sourate Yassin, il est question du Coran et de l'appel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit aux polythéistes afin qu'ils aient la foi. La sourate énonce une parabole en prenant comme exemple les habitants de la cité qui ont traité de menteurs les messagers. Il y a ensuite une histoire magnifique au sujet de ce croyant qu'Ibn Abbas nomma Habib al-Najjar, qui prit les siens en pitié et qui entra au paradis. Cette histoire n'a été racontée que dans les versets de cette sourate. L'une des leçons les plus importantes de l'histoire de Habib est que sa pitié pour les siens se prolongea même après son entrée au paradis. Allah Ta'ala dit en effet, dans le sens, « Alors, il lui fut dit, entre au paradis. » Il dit, « Ah, si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. » Du verset 26 au verset 27 de Sourate Yassin. Qatada eut raison de dire, « Ne va à la rencontre d'un croyant qu'avec l'intention de lui être de bon conseil, et non avec l'intention de le tromper. Lorsque cet homme vit de ses yeux l'honneur qu'Allah lui fit, il dit, « Ah, si seulement mon peuple savait la raison pour laquelle mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. » Ainsi, il souhaita d'Allah que les siens sachent quel est l'honneur que lui a fait Allah et ne les a pas dénigrés. Cette version de Qatada est rapportée par Tabari dans Jami'ul Bayan. Volume 20, page 509. Ainsi s'achèvent les quelques leçons à tirer du 22e juz, de la 22e partie du Coran. La 23e partie du Coran, le 23e juz, débute du verset 28 de Sourate Yassin jusqu'au verset 31 de Sourate Az-Zumar. Ce juz commence par orienter les regards vers les signes d'Allah dans l'univers, par appeler les polythéistes à la foi et par avertir contre l'adoration de Satan. Il se termine par la confirmation du pouvoir d'Allah de créer et de ressusciter. Le début de la sourate As-Saffat établit l'unicité d'Allah en avançant comme preuve sa création d'être immense que personne d'autre que lui n'a le pouvoir de créer. Il y est question de la ressuscitation et de la rétribution, ainsi que du délice des croyants et du châtiment des mécréants. Il y a un exemple de conversation entre les gens du paradis et les gens de l'enfer qui souligne la gravité d'avoir de mauvais compagnons. Ton Seigneur est celui qui exauce les invocations de ses serviteurs. Lui as-tu donc adressé tes invocations avec insistance? Médite les paroles suivantes d'Allah dans le sens Nuh, en effet, fit appel à nous qui sommes le meilleur des répondeurs. Verset 75 de Sourate As-Saffat. Le fait qu'Ibrahim et Ismaïl se soient soumis à l'ordre d'Allah est l'exemple le plus frappant de l'effet de la bonne éducation et le bon dénouement de cette attitude est décrit. La fin de cette sourate anéantit certaines ambiguïtés qu'ont les polythéistes et affirme que ce sont les soldats d'Allah qui auront le dessus. La sourate Sad expose les types de disputes qui existent sur terre et dans le ciel. Essaye donc de méditer cela, et qui finit par avoir le dernier mot lorsqu'il prend la défense du vrai? Il y a dans cette sourate un réconfort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un appel à ceux qu'ils prennent exemple sur les messagers qui l'ont précédé sur leur patience face aux épreuves. Médite comment Allah mit à disposition de Suleyman des choses dont personne ne disposait à son époque et que ce privilège ne le porta pas à l'arrogance. Bien au contraire, il se montra reconnaissant et se servit de ses bienfaits afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. Médite la bienséance des prophètes lorsqu'ils invoquent Allah. Quand Allah ta'ala dit dans le sens, et rappelle-toi Ayyub, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Verset 41 de Sourate Sad. Le lieu de retour des pieux et celui des tyrans sont décrits. Puis est raconté le récit d'Iblis qui refusa de se prosterner devant Adam à cause de son orgueil et de son arrogance. Ceci est ce qui ressort du récit de cet ennemi. Prenons donc garde à ne pas reproduire ce comportement. La sourate Az-Zumar ne traite quasiment que de sincérité ou exclusivité. Vérifie donc si cette valeur éminente est présente dans tes adorations. Ainsi s'achèvent les quelques leçons à tirer du 23e juz de la 23e partie des parties du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.